Pour une deuxième année consécutive, le golfeur de Chibougamau, Pierre-Alexandre Bédard, s'est vu octroyer le titre de golfeur de l'année au Canada. Il a remporté le titre de meilleur golfeur de la PGA Canada. Donc, Pierre-Alexandre Bédard, qui est de Chibougamau, qui va recevoir son prix à la fin du mois à Orlando, en Floride. Et puisqu'il est question de Pierre-Alexandre Bédard, on lui a parlé hier dans la section entrevue de danradiosport.com. Pour une autre année, Pierre-Alexandre Bédard va jouer au golf aux États-Unis et plus particulièrement cette année en Arizona. Et il explique la raison pourquoi il a choisi l'Arizona. En Floride, okay. Une question aussi de changer d'air, aller découvrir un autre coin de pays. Simplement un peu de tout ça, vous visitez, voyager. Je sais que c'est une belle place pour le golf. Ça fait longtemps que j'entends parler que c'est le paradis des terrains de golf. Là-bas, le voyage beaucoup. Donc, je pense que je suis rendu dans ma carrière d'aller explorer un petit peu à gauche et à droite là, les beaux pays de golf qui s'offrent à moi. C'est pour toi, c'est plus cher, j'imagine, c'est plus dispendieux. Ce deuxième temps, il nous parle des aspects qu'il entend travailler lors de son séjour en Arizona et en Floride cet hiver. Il mérite encore de se faire améliorer. C'est sûr que j'ai des parties de mon jeu qui est meilleure que d'autres, ouais. Mais je veux entre autres améliorer l'enveloppe là, de mon jeu, la constance dans chaque aspect. Plus que tu montes, plus que tu atteins un certain niveau, plus que tout doit être parfait. C'est pas pour rien que seulement 150 golfeurs là, ouais. puissent jouer année après année sur le circuit de la PGA. Donc, c'est sûr que je vais pratiquer un peu de tout encore une fois. Puis, je m'améliore à chaque année. Puis, j'ai encore l'intention là, de m'améliorer en 2019. Dans un dernier temps, Pierre-Alexandre Bédard nous parle qu'il est très heureux de voir Kevin Fortin-Simard de retour à la compétition cette année. Je m'en vais, en fait. Kevin va faire la même qualification que j'ai l'intention de faire en avril. Okay. C'est la PGA du Canada que Kevin parle, c'est le Mackenzie Tour. En fait, c'est exactement le même circuit. C'est là qu'on doit aller pour se rendre sur le web.com par la suite. Okay. C'est très très le fun de voir que Kevin recommence. Tu vas te sentir moins seul. J'ai l'impression, ça se peut-tu? Tu vas te sentir moins seul un peu? Parlons de hockey. Les Saguenay de Chicoutimi ont perdu hier par la marque de 3-2 contre les Olympiques de Gatineau au Centre Georges Vézina. Pour les Saguenay, Ladislav Kotkov et Tristan Pelletier ont marqué les buts. Les Marquis de Jonquière ont remporté une belle victoire de 4-1 contre Sorel. Et pour les Marquis, les buts ont été inscrits par Francis Véropol avec 2. Alexandre Kennel, un but de passe. Gabriel Lévesque, un but de passe. Et 3 passes pour Christian Ouellet. Les deux mêmes équipes s'affrontent ce soir au Palais des Sports de Jonquière. La Ligue du lac aux fleuves a décidé de faire un sondage auprès de ses partisans. Le tout a commencé durant la période des fêtes. Jusqu'à maintenant, il y a 230 personnes qui ont répondu favorablement au sondage. Le commissaire de la Ligue, Mathieu Garon, a expliqué qu'il a décidé de sonder les gens durant la période des fêtes. J'ai pris la décision au cours de la pause des fêtes. De regarder un peu, de sonder un peu à travers la Ligue, les partisans, comment ils voient la Ligue, qu'est-ce qu'ils voudraient que ça soit un peu que la Ligue fasse pour s'améliorer. On y va avec des questions. Bon, on avait l'horaire qui est un sujet qui est assez il y a beaucoup d'opinions là, à niveau de l'horaire cette année. On a appris un peu là, de cette horaire-là. On va probablement faire d'autres façons l'année prochaine. Mathieu Caron explique quels sont le genre de questions qu'on retrouve dans ce sondage. Du côté de Charlevoix, là, ça a été un peu plus compliqué. L'horaire pour eux autres, c'était compliqué un peu. C'est pour ça que c'était un sondage que je faisais à ce niveau-là. Mais il y a également aussi sur le jeu, qu'est-ce que les partisans préfèrent. Préfèrent-tu avoir vraiment juste du hockey? Préfèrent-tu avoir un peu de bagarre? Ou préfèrent avoir la bagarre et du jeu aussi en même temps? Donc, c'est vraiment pour nous aider lors de la prochaine rencontre des bureaux de gouvernement. Comment qu'on pourrait faire pour que la Ligue soit encore meilleure puis qu'on puisse vraiment travailler pour les prochaines années? À mon avis, il manque une question. Ligue de hockey Saint-Pélette, il y avait des matchs qui nous intéressaient dans les différentes ligues. On va commencer d'abord avec du côté du Junior A. Victoire du Pro-Lam de Saint-Félicien 6-3 sur le Dynamo de Chicoutimi. Ça s'est déroulé au cours des derniers jours. Et du côté du Midget B, gain des Dynamos de Chicoutimi 3-1 sur les Éperviers de Lac-Saint-Jean. Le Marcos Paul de Saint-Félicien qui a perdu 4-3 également contre le Dynamo de Chicoutimi. Et je termine avec deux nouvelles. Le comité du 27e Super Bowl d'Alma a tenu un point de presse hier où on a dévoilé les grandes lignes de l'activité qui aura lieu le 3 février à la Cage au sport d'Allemagne. Bon an, mal an, au cours des 27 dernières années, ce comité a remis pas moins de 26 000 $ au football du lac Saint-Jean-Est. Un hommage posthume sera fait à Luc Thériault, qui a été longtemps impliqué sur la scène du football à Alma. Le prix d'admission pour cette soirée est de 40 $ qui va se faire sous l'invité d'honneur Joël Gagnon de Chambord, qui s'est aligné avec le Vert et Or de Sherbrooke et qui est originaire du haut du lac. Maintenant, on va parler du côté qu'il y aura une soirée d'information qui va se tenir le 24 janvier prochain au gymnase complexe sportif du secteur de Dolbeau. C'est la ville de Dolbeau-Mistassini en partenariat avec le club de natation Aquado qui désire mettre en place un club de triathlon. On aimerait connaître les idées des gens là-dessus. Pour information et inscription, on peut appeler Paul Morel au 276-0160, le 276-0160, poste 2451. Je l'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, on a parlé d'abord avec plusieurs intervenants. Hugo Richard, qui a signé une entente avec les Alouettes de Montréal, vient nous parler. Pierre-Alexandre Bédard va nous parler de sa saison de golf cet hiver aux États-Unis. Et je me suis également entretenu aussi avec le commissaire de la Ligue du Lac-au-Fleuve, Mathieu Caron. Le sport local et régional, à danradiosport.com. On s'en occupe.